le bleu élégant. Il est grand temps d'en finir, qu'on prenne en main notre avenir. Et rêve, rêve, c'est le moment. Claque la porte et va-t'en. Faut rien attendre de ces gens qui te vendent un monde en cire que ta sueur pourrait détruire. Et rêve, rêve, c'est le moment. Tout pour eux n'est qu'argent et tu es d'or. Sur ta route et porte-monnaie en déroute, que de mensonges sur ta vie, sur tes besoins et tes envies légitimes. Et ton corps n'est qu'un outil, le reflet de leurs yeux qui brillent. L'important pour te faire produire, c'est de faire croire que tu respires. Que de mensonges sur ta vie, sur le pouvoir de tes envies. C'est le moment, montre-toi tant qu'il est temps, tu es...